Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales en compagnie toujours de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Eh bien aujourd'hui, avis aux amateurs de jazz, nous vous proposons des BO exclusivement jazz. On va donc retrouver des standards composés notamment par Charlie Parker, Duke Ellington, Herbie Hancock et bien d'autres. Eh bien parfait Francine, on se retrouve donc dans quelques instants pour cette belle programmation et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, commençons tout de suite par notre première séquence, la séquence BO culte avec New York, New York, un film de Martin Scorsese sorti en 1977 avec Liza Minnelli et Robert De Niro. Alors, New York est en liesse après la victoire sur le Japon. Jimmy Doyle, saxophoniste et jeune soldat, remplace son uniforme par des habits à la mode et se rend au Starlight Club où la fête a déjà commencé. Il rencontre alors Francine Evans, une jeune chanteuse, et tente sans succès de la séduire. Alors le tournage de ce film ne fut pas de tout repos car Scorsese avait à lutter contre une dépendance à la drogue qui se faisait de plus en plus pesante. En outre, l'idée initiale qu'il avait de recréer le New York de l'époque en studio s'avère vite titanesque. Le budget est dépassé, les infrastructures du décor sont très très coûteuse. Alors chronologiquement, le film suit Taxi Driver et il faudra la réussite de Raging Bull en 80 pour se relancer. Alors, le morceau phare de l'album, c'est pas Frank Sinatra qui l'avait créé ? Eh bien non, Frank Sinatra l'a repris, effectivement, Francine, mais en 1980, et c'est effectivement maintenant un des morceaux, un des plus connus et des plus joués au monde. D'ailleurs, Broadway, le fief des comédies musicales, a réouvert donc, le 14 septembre 2021, après 18 mois de fermeture. Et un des moments très émouvants a été cette réouverture, lorsque le morceau donc, justement de New York, New York, a été chanté dans la rue par un groupe de musiciens et toute la foule présente. Alors écoutons plutôt, réécoutons donc ce fameux morceau New York, New York, donc interprété par Liza Minnelli. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Toujours sur le thème jazz, aujourd'hui, donc place à la BO Suspense avec The Cotton Club, un film de Francis Ford Coppola sorti en 85, dans lequel on retrouve notamment Richard Gere et Diane Lane. Alors, ce film est une fiction fortement inspirée par l'histoire du véritable Cotton Club, la salle de spectacle de Harlem, et de personnages aussi ayant réellement existé. Alors, le film se déroule en 1928, au moment de la Prohibition. À New York, le gangster Honey Madden est propriétaire du Cotton Club et le dirige avec son bras droit Frenchy. Il s'agit d'un club de jazz où la plupart des artistes sont noirs, mais où tous les clients sont blancs. Alors je crois que Francine, le tournage n'a pas été très simple. Hein. Eh bien oui, en effet, les relations sont très tendues entre Francis Ford Coppola et le producteur Robert Evans. Coppola entretient également des rapports tendus avec l'acteur principal Richard Gere. De plus, le tournage s'éternise et le script change quasiment chaque jour. Francis Ford Coppola improvise beaucoup et ne tourne jamais aucun plan utilisable. Les coûts de production sont colossaux, environ 250 000 dollars par jour. Et malgré les critiques positives, le film est un échec au box-office. Les recettes n'ont pas permis de couvrir les coûts. C'est John Barry qui en signe la musique. Il met notamment en scène des titres de Duke Ellington et notamment The Mooch, qui nous plonge dans l'atmosphère moite et pesante de la mythique boîte de jazz. Donc écoutons tout de suite ce sublime titre, The Mooch. Thank you. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO avec une émission spéciale jazz avec, pour l'instant, on va retrouver donc la BO romance avec Minuit à Paris, un film de Woody Allen sorti en 2011. Alors un couple d'Américains dont le mariage est prévu à l'automne se rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la ville lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne. Avec Minuit à Paris, Woody Allen renoue avec son pays natal, puisque le film est le plus grand succès de sa carrière aux États-Unis. Et en 2012, il est récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original. Et donc, Jérôme, côté musique ? Eh bien, donc, le film débute avec le standard de jazz emblématique « Si tu vois ma mère » du jazzman américain Sidney Bechet. Mais la musique du film est écrite par Stefan Wrebel et nous vous proposons donc un morceau de sa composition. Voici « Bistro Fada ». Maintenant à la BO coup de cœur avec Bird, sorti en 1988 et réalisé par Clint Eastwood. Alors Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie Yardbird Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau d'expression inédit. Le film dépeint alternativement la jeunesse et la maturité de cet homme, créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels. Charlie Parker fut une énigme. La puissance et la beauté de son style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. Ce film tente d'éclairer le penchant de Parker pour la drogue, l'alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour son épouse, Chan Richardson et surtout sa musique. Alors le film a été récompensé par le Golden Globe du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood et l'Oscar du meilleur son. Et Francine, je crois que cet Oscar pour le meilleur son, il me semble être totalement pertinent parce que le travail justement sur le son a été exceptionnel. Et oui, en effet, le traitement de la bande-son a fait l'objet d'un travail unique. Les prises originales de Charlie Parker, souvent de simples enregistrements monophoniques, ont été numérisées. La partie de saxophone a été isolée puis remixée. La performance technique, saluée par plusieurs prix, a néanmoins été accueillie avec scepticisme par de nombreux amateurs de jazz. Alors le choix du morceau n'a pas été facile tant les morceaux de l'album sont extraordinaires, donc nous avons choisi de vous faire écouter ce standard « April in Paris ». Voilà, vous venez d'écouter donc un extrait de la BO du film Bird, un film donc écrit et réalisé par Clint Eastwood. Alors on va passer maintenant à la BO animation avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film sorti en salle en 1988 et réalisé par Robert Zemeckis. Alors doté d'un budget de 70 millions de dollars, Qui veut la peau de Roger Rabbit fut un immense succès. Le film remporta plus de 349 millions de dollars à travers le monde. En France, presque 6 millions de spectateurs ont vu les péripéties de ce lapin hystérique, soit le troisième film le plus vu dans l'Hexagone en 88 derrière Le Le Grand Bleu et L'Ours. Alors Jérôme, je crois que ce film était pour l'époque une véritable prouesse technique puisqu'il réunissait des scènes réelles avec acteurs et des personnages de dessins animés. Ben oui, tout à fait, Francine. Et cela lui a valu justement en 1989 les Oscars des meilleurs effets spéciaux, des meilleurs effets sonores et du meilleur montage. Et une statuette spéciale est venue récompenser l'impressionnant travail de Richard Williams pour la direction de l'animation et la création des personnages animés. Alors la bande originale est composée par Alain Silvestri qui avait collaboré déjà avec Zemeckis pour À la poursuite du diamant vert et Retour vers le futur. Alors on retrouve tout de suite la chanson Why Don't You Do Right, ce stand de la musique de jazz, et c'est ce morceau qui est interprété par Annie Irving que nous vous proposons d'écouter. You had plenty money 1922. Some other men do. Get out of here. Give me some money too. You're sitting down. Nous sommes sur des BO Jazz cette semaine et nous avons entendu tout à l'heure Bird. Donc maintenant, nous allons voir une autre BO qui est un biopic aussi avec Autour de minuit, sorti en 86 et réalisé par Bertrand Tavernier. Ce film évoque de façon romancée la vie du saxophoniste Lester Young et du pianiste Bud Powell. Dale Turner est un saxophoniste noir américain qui vit à Paris dans les années 20. Il devient l'ami d'un dessinateur français incompris, Francis Borler, interprété par François Cluzet, qui essaie donc de le sortir de son alcoolisme. La musique du film, signée par Herbie Hancock, a été filmée et enregistrée en direct sur un magnétophone multipiste, une première en France. Et Herbie Hancock a été doublement récompensé en 87 en recevant à la fois le César et l'Oscar de la meilleure musique. Le film a été primé également du César du meilleur son. Écoutons donc le titre composé par Herbie Hancock, Round Midnight. Mm-hmm. Voilà, c'est sur ce titre, donc Derby Hancock Around Midnight, pour le film Autour de minuit, que l'émission donc de cette boîte à BO spéciale jazz se termine. Ben, j'espère que cette émission vous a permis de découvrir ou de redécouvrir des extraits de musique de film que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien Francine, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine Jérôme. Oui, oui, comme vous le savez, tous les mardis, on est présent sur Radio Fadjet à 17h30. Alors à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.